On boit le sang. Les ricades criminelles. Carré rouge. On voit le sale son, c'est lyrical criminel. Et je crame tout dans le trait de jeu, je pose franc. Comme quand je te dis, je dédie Cyril à tous ces gars qui affrontent la gratte. Tous les gars qui prennent une arme et braquent. À tous les sales gars des halls. Les sales gars qui fument, boient et aiment les folles. On trinque à l'honneur des hams qui nous traquent de l'homme des boss. Je représente les gars comme Ninja et Thomason. Certes, on baisse l'état et leurs lois. Je représente la génération Scarface. On donne tout pour le tour, on cherche tous le bon coup. Roule en grosse caisse, faire le casse du cercle et se repentir avant l'heure. Que Dieu nous pardonne, on attend péché pour une vie éphémère. Au fur et à mesure que temps passe, les temps changent, la fin approche, les poches vides, les proches partent, et si je pars, c'est que le tout puissant on aura voulu ici ensemble. C'est pour tous les malotrus truands de la cité phocéenne et de France, pour tous les frères et sœurs, les mères seules qui pensent à leurs enfants sous le sol, c'est ça la voix, mais nos vies sont sobres, mais on s'y fait, à contre-cœur, mais on s'y fait. Je sais pas, j'ai plus entre rire ou pleurer, pleurer ou rire, ces deux émotions étroitement liées, comme le bon et le mauvais chemin, trop de confusion, peu de différence, on se fout du mal ou du bien, on fait le mal pour être bien. Ouais. Organise, on sert, viré de sexy, trompe, carré au plein de pari au même. Les MC trop présentes pour nous gars du cours. La pleine shoot, star, prong, clock, fils, faire à fond ce qu'on aime, ouais. Faut que personne m'aime, juste mon rap, j'aime. Flic, père, nous perce, un fou rire ou pour rire. Mec, respect, oblige, pas le fou, que de mec au sale coup. Les sous, pour tout dire, m'faut les poches, ouais. Moi, tu es le rôle de pauvre connard. Normal, fixe, j'mène à qui j'vais me plaindre, l'ordre pour y arrive. Carré, faut que tu marches même, t'arrives. Tu veux suivre nos griffes, là, nos siffles, flaco, jeep, shoot, star, lift, not lockdown à faire. Rien à faire, sale journée à faire. Rien à foutre, sale deal à faire, le fric, pouvoir. Fier de l'honneur, on s'encule comme on peut. Change partenaire quand on veut, ouais. Cash n'a pas de famille, ouais. Je viens d'un pays où l'on parle et croque. Se moquer des billets qui choquent. Bloc dans le froc, est-ce lui qui conque escroque. La bonne époque, le cash n'a pas de famille. Celui qu'on enterre, qu'on casse, puis le mien le tient parmi. Circule parmi, par-ci ou squal ou quelconque partie. Rends les frères prêts, entends les pleurs des tardifs. Quête le pouvoir des leftos experts. Nécessaire, les billets de banque et ses frères. Mais les verts, le tout n'est pas d'appuyer sur marché, laissez faire. Plaie des guerres pour une lumière dans les poches noircies. Sauf quand qui peut, même s'il faut que tu comptes pas partie. Quand les venus stop, salut propre, propre, jamais l'oncle. On fout le bec inégal, le poids des peines qu'on est comme voir l'empare qu'on est top. Tout le monde aime, tout le monde sort s'il y a catastrophe. Alors si tu possèdes rien dans ton coffre, bof. Son meilleur ami, c'est pas toi, mais tes poches pleines. J'te fais de la peine, j'suis toi au carré plein les veines. Le fric nique mes frères dans la rue. Le phénomène ne fait pas plus de poches que de tox dans la nuit. Le cash n'a pas de famille, n'a pas de famille, n'a pas de famille. Il change de partenaire comme une bitch. Le fric nique mes frères dans la rue. Le phénomène ne fait pas plus de poches que de tox dans la nuit. Le cash n'a pas de famille, n'a pas de famille, n'a pas de famille. Il change de partenaire comme une bitch. Le fric nique mes frères dans la rue. Le phénomène ne fait pas plus de poches que de tox dans la nuit. Le cash n'a pas de famille, n'a pas de famille, n'a pas de famille. Il change de partenaire comme une bitch. Il change de partenaire comme une bitch. Il change de partenaire comme une bitch. Le fric nique mes frères dans la rue. Les flics niquent mes frères dans la rue. Le fric nique mes frères dans la rue. Les flics niquent mes frères dans la rue. Le fric nique mes frères dans la rue. Le nerf de la guerre, de ma poche à la tienne. À Marseille, shoot star, shoot star. Shoot star, shoot star, shoot star, shoot star, shoot star.